19h précise dans le studio de la radio associative indépendante Bonesha FM, même heure à Lugazi, commune de Bubanza, le journal en français. Le journal avec Willy Sintaiheura. Tout ce midi, man, et de l'autre côté, vitré, d'abord les grandes articulations. La direction de rapatriement au Burundi s'inquiète de l'augmentation des cas positifs au Covid-19 des rapatriés en provenance de la République démocratique du Congo, vous l'entendrez dans cette édition. Au sommaire également, les habitants de la zone Nyakabiga déplorent la façon dont les sociétés chargées de collecte des immondices accomplissent leur travail. Et l'ONG locale Parsem salue le projet du ministère ayant l'intérieur dans ses attributions, constitue à la réduction des communes et provinces. Vous l'entendrez également dans cette édition et c'est jeudi comme à l'accoutumée. La chronique sur le droit de l'enfant est au rendez-vous. Bienvenue. Bonsoir et bienvenue encore. 1532 maisons ont été construites anarchiquement en commune Nahangwa et 624 en commune Mukaza, comme l'ont indiqué les experts du ministère de l'Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique. Le ministère Gervé Ndirakobuti a lancé un appel vibrant aux administratifs de se baser sur le rapport des experts afin d'en mettre en application la mesure concernant la démolition des maisons construites dans les espaces publics de façon anarchique. Plus de détails avec médiatrice Emel Savé. Les experts du ministère de l'Intérieur, dans le rapport qu'ils ont présenté pour vérifier les maisons construites anarchiquement ce mercredi, ils indiquent qu'ils ont répertorié pas mal d'irrégularités en commune Nahangwa. Un des experts dit que certains propriétaires des maisons ont refusé de montrer leurs titres fonciers ou fuyé les experts pour cacher leurs fautes. Mais les experts ont fini par connaître l'espace qu'ils ont dépassé. Nous avons trouvé 1532 bâtiments dans la commune de Nahangwa, dont 1358 d'entre elles seront repoussées un peu loin de la route et 64 autres se trouvent dans les espaces publics. Il y a 11 personnes qui ont résisté face à cette mesure de démolition, mais sans raison. Il y a aussi 2 maisons où nous avons arrêté les travaux de construction qui étaient en cours. Et dans la commune Mukaza, l'expert explique que nombreux sont surtout les églises et les mosquées qui ont été construites en violation des normes. 674 maisons se trouvent sur toute l'étendue du territoire de la commune urbaine de Mukaza ont été construites anarchiquement et doivent être reconstruites selon la loi. Dans cette même commune, 15 mosquées et 7 églises doivent aussi être reconstruites selon les normes, sans oublier 15 espaces verts. Le ministère de l'Intérieur, après la présentation du rapport par les experts, lance un appel à l'administration de base d'aider dans la mise en application de ce projet de la réhabilitation sans favoritisme. Le travail technique est accosé. Le travail technique qui a été réalisé par les ingénieurs avec l'administration est un acte louable. Ce qui reste, c'est de remettre en application. Celui qui se montrera réticent face à cette mesure, le gouvernement ne va pas réagir à sa faveur. Il va aussi payer toute la période qu'il a occupé cette base alors qu'elle ne lui appartenait pas. J'ai bien dit que dans les lieux viabilisés par le gouvernement, toute personne doit respecter la borne du gouvernement. Gare à celui qui a déplacé ses bornes. Maintenant, nous disons que chacun doit respecter la borne donnée par les agents chargés de la viabilisation, à commencer par les autorités du pays. Nous devons tous démolir, pas question d'amitié, dans l'accomplissement de ce travail. Le ministère de l'Intérieur réitère que la date limite du 31 août 2021 reste inchangée pour la démolition des maisons construites anarchiquement. Merci, médiatrice Emel Savé, et bonne gouvernance. À présent, le nombre de communes et de provinces qui constituent la République du Burundi va bientôt être réduit. Cela a été confirmé par le ministère de l'Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique. Selon Gervé Ndirakobucha, le ministre de l'Intérieur, cette initiative facilitera l'administration au niveau communal et provincial, mais elle apportera aussi de l'efficacité dans la collecte des taxes 07. Suivez Gervé Ndirakobucha, traduit en français par Seif Iladukund. Je tiens à vous informer que le ministère de l'Intérieur envisage en toute urgence une procédure de délimitation. On est en train d'étudier si on a encore besoin d'une dizaine de provinces ou bien d'une centaine de communes. Pour atteindre le développement communautaire, on doit aussi évaluer le nombre de communes ou provinces. En revanche, je doute que cet objectif soit accompli si ce nombre est nécessairement élevé. Cela est dans le but de faciliter l'administration des responsables des communes et des provinces. La récolte des taxes sera aussi plus efficace. C'était le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, et traduit en français par Seif Iladukunda, et l'ONG locale Parsem. Parole pour le réveil de conscience et l'évolution des mentalités. Salut le sourire. Faustin Dikouman, directeur national de la Parsem, indique que la réduction des communes et des provinces du pays va faciliter la décentralisation financière et le développement. Dikouman propose plutôt l'accélération du processus. Suivez à ce propos Faustin Dikouman. Et la réduction du nombre des provinces, du nombre des communes, et au niveau du Parsem, nous soutenons ça. Vraiment, c'est la véritable avancée au niveau de la décentralisation. Parce que, avoir 129 communes, 129 entités décentralisées, plus de 18 provinces, c'est nombreux. Et je crois qu'il faut réduire le nombre de ces communes pour avoir gardé des communes viables au niveau de la capacité de mobilisation des fonds, au niveau de la planification du développement. Et aussi la décentralisation financière devient possible parce que l'administration des entités décentralisées permet à ce que la traçabilité financière consistante puisse être entamée et le suivi pourra être facilité de façon simple parce que le nombre de communes et de provinces aura été réduit. J'imagine qu'il faut plutôt accélérer ce processus. C'est dans ce sens même qu'on devra commencer à avoir ce qu'on appelle les pôles d'attraction. Les pôles d'attraction au niveau régional, en diminuant le nombre de provinces, on pourrait avoir par exemple des pôles d'attraction au nord, des pôles d'attraction aussi, des pôles d'attraction à l'ouest et à l'est. J'imagine que pour cela, cette idée, cette option, vraiment, nous la soutenons fortement. Et la direction de rapatriement au Burundi se dit inquiet de l'augmentation des cas positifs au Covid-19 au sein des rapatriés en provenance de la RDC. Nestor Bigirimana, directeur général de rapatriement, demande qu'il y ait des convois des candidats négatifs au Covid pour que le rapatriement ne soit plus la cause principale de la propagation du Covid-19. Raimo Ndiman. Selon le médecin chargé du programme de rapatriement au ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, 30 Burundais ont été testés positifs ce mercredi, car le Burundi accueillait 460 Burundais rapatriés en provenance de la République démocratique du Congo. Antoine Sindayigaya dit qu'il s'observe l'augmentation des cas positifs, car même l'effectif des Burundais rapatriés a augmenté. Le nombre qu'on recevait, on recevait une appel de 150, maintenant nous recevons une appel de 1000 personnes qui rentrent chaque semaine. Le site que nous utilisons pour recevoir aujourd'hui, c'était 460. La direction chargée du rapatriement au Burundi dit être au courant de cette situation. Nestor Bimenyimana, directeur général du rapatriement au Burundi, demande le rapatriement des Burundais testés négatifs au Covid-19 pour la non-propagation de cette pandémie au Burundi. Nous demandons vraiment aux pays d'asile, surtout les gestionnaires des camps des réfugiés, de faire le screening, de faire le test pour pouvoir organiser les convois des candidats négatifs au Covid-19. Et puis les cas positifs doivent rester au camp des réfugiés jusqu'à ce que leur vie se normalise et les tests donnent les résultats négatifs. Et là, on peut organiser le convoi. Et là, c'est un appel vibrant qu'on lance surtout aux gestionnaires des camps, des réfugiés au niveau de la RDC. Parce qu'aujourd'hui, nous observons beaucoup de cas positifs pour les convois en provenance de la RDC. Les rapatriés testés positifs sont confinés pour 5 jours dans des hôpitaux se trouvant au centre de transit avant d'être réintégrés dans leur famille. Merci Raymond Diman. Et de l'autre côté, le projet de rapatriement des Burundais en exil est toujours soutenu par le gouvernement ainsi que les organisations chargées des rapatriements des réfugiés. Cela a été dit par le Premier ministre Alain Guillaume Bougnoni dans une conférence de presse tenue ce jeudi lors de la présentation du bilan annuel des activités des bureaux et des services rattachés de la primature. Alain Guillaume Bougnoni indiquait qu'un réfugié rentre par sa propre volonté. Après une courte pause, le journal continue. Certains habitants de la zone Nyakabiga commune Mukaza déplorent le comportement affiché par les sociétés chargées de collecte des immondices ménagères. Ces habitants font savoir que ces sociétés viennent chaque fois pour demander de l'argent accompagné par les agents de la police qui, par après, portent avec eux les cahiers de ménage en cas du manque des frais de paiement. Ces habitants précisent cependant que ces sociétés n'accomplissent pas correctement leurs tâches et demandent de l'implication de l'administration. Vena Nyomungere. Ce sont certains habitants de la zone Nyakabiga de la commune Mukaza, à mairie de Bujumbura. Ces habitants déplorent le comportement des responsables de la société chargée de ramasser les immondices dans cette localité. Ils font savoir qu'ils ne comprennent pas comment la police intervient dans l'acte de collecter l'argent destiné à l'enlèvement des immondices. Ces derniers restent inquiets que la police parte avec les cahiers de ménage en cas de manque de l'argent. Nous avons des problèmes en rapport avec ceux qui sont chargés dans les villes de Maurice. Ils viennent collecter l'argent en compagnie de la police. Tu paies de l'argent et partent avec les cahiers de ménage. Nous voulons savoir si les deux ont le même poste. Nous attendons la police. Ces habitants demandent aux responsabilités d'organiser ces sociétés quitte à ce que ces derniers restent indépendantes. Nous demandons que la police et les agents de ces sociétés travaillent dans leur indépendance. Nous demandons la séparation entre ceux qui sont chargés d'enlever les immondices pour ces sociétés et le travail de la police, car le cahier de ménage n'a rien à voir avec les immondices. C'est au moment où il y a des sociétés qui ont été démises de leur fonction de l'enlèvement des immondices à la suite de la violation des lois en rapport avec l'enlèvement. Merci Vena Nyomungere. Nous n'avons pas encore réussi à avoir la réaction de la police et de la société en charge de collecte d'immondices ménagères à Mukaza. Et le ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines indiquait que la quantité de carburant et des produits pétroliers dans les stocks est suffisante. Dans un point de presse, c'était Nisoje Dileunda Sindaiga, porte-parole de ce ministère, fait savoir que l'apparente pénurie qui s'observe à travers le pays résulte de quelques défaillances dans le circuit d'approvisionnement de ces produits. Ce responsable invite les administratifs et les forces de l'ordre à conjuguer les efforts en vue de décourager toutes les perturbations dans l'approvisionnement du carburant. Suivez-le. Le ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines a réuni ce mercredi 18 août 2021 les importateurs de carburant et produits pétroliers pour échanger sur l'état des stocks de ces produits, les encours, les commandes de ces produits, ainsi que les mécanismes d'approvisionnement des produits aux stations-service du pays. À l'issue de cette réunion, le ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines voudrait porter à la connaissance du public ce qui suit. La quantité de carburant, des produits pétroliers dans les stocks, les importations en cours, les produits en commande sont suffisants au niveau national. Deuxièmement, l'apparente pénurie qui s'observe sur le territoire résulte de quelques défaillances dans le circuit d'approvisionnement de ces produits. Une stratégie a été trouvée hier de commun accord avec les importateurs et cette stratégie prendra effet à partir de ce jeudi 19 août 2021. Le ministère de l'Hydraulique, de l'énergie et des mines invite du même coup l'administration territoriale et les forces de l'ordre ainsi que la population à rester vigilant pour bannir toutes sortes de fraudes qui pourraient survenir dans ce secteur-là. Le ministère de l'Hydraulique, de l'énergie et des mines tranquillise encore une fois la population et que tout devrait être fait pour que l'approvisionnement en carburant et produits pétroliers réponde à ses attentes et garantisse la poursuite de l'activité économique en toute quiétude. Le ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines fait savoir cela après qu'il s'est remarqué une pénurie de carburant, surtout dans la capitale économique Bujumbura, depuis ce mercredi 18 août. Direction Makamba, un commerçant du ciment du nom de Bizimana André, dont la commune Nyanzalak a été infligé une amende de 500 000 francs par l'administration locale. Il est accusé d'avoir vendu le ciment à un prix élevé par rapport au prix officiel. C'est après que le gouverneur de Makamba avait ordonné aux commerçants de respecter les prix officiels. Depuis Makamba, David Ndreiman. Ciment dans la commune Nyanzalak, connu au nom de Hakizimana André, a été appréhendé en train de vendre le ciment au prix élevé de 32 000 francs par sac. C'était le soir de ce mercredi au marché de Nyanzalak, a été directement condamné à une amende de 500 000 francs. Cela est intervenu après que le gouverneur de la province de Makamba, Ngozi Lazana-Françoise, a tenu une réunion en faveur de tous les commerçants de la province de Makamba. Ce mardi, dans cette réunion, Ngozi Lazana-Françoise les a mis en garde contre la hausse des prix et surtout sur les produits comme sucre, le ciment et les produits des Braroudi. Le gouverneur a exhorté aux commerçants à être vigilants face à l'augmentation du prix. Il a aussi ajouté qu'une somme d'amende de 300 000 francs pour celui qui ne respecte pas le prix a été augmentée à 500 000. Ngozi Lazana-Françoise a demandé aux commerçants de pointer du doigt à toutes les personnes soupçonnées d'augmenter le prix, surtout au sucre, le ciment et les produits Braroudi. Elle a dû informer que toute personne qui sera attrapée de nouveau en train de vendre au-delà des prix réels, il sera supprimé directement de la liste des commerçants agréés. Depuis Makamba, David Ndereimana pour la radio. Bonne chef. Chronique sur les droits de l'enfant. Sur Bonne chef. Dans la chronique sur les droits de l'enfant de ce jeudi, nous vous parlons du manque de matériel scolaire. Principal défi qui a hanté les enfants à l'âge de scolarisation sur la colline Nyenharang de la province Bubanza, c'est de la commune Lugadi. Ces enfants qui se sont entretenus avec Bonesha FM pour savoir qu'ils arrivent même à abandonner l'école suite à son manque de matériel et de frais de scolarisation. Ils demandent aux bienfaiteurs de leur venir en aide maintenant qu'ils sont au lendemain de la rentrée scolaire. Joyce Guilaine Manchi. C'est un élève vivant sur la colline Nyenharange de la commune Lugazi, province Bubanza. Il affirme qu'il a réussi en 6e année primaire, mais il ne voit pas comment il pourra continuer ses études suite au manque du matériel. Comme mon père est malade, c'est très difficile pour moi d'avoir le matériel scolaire. Maintenant, je n'ai même pas reçu de cahier. Nous venons de passer toutes les vacances à œuvrer pour un gagne-pain. De l'autre côté, Célestie, qui n'a même pas 15 ans, affirme avoir abandonné l'école étant en 5e année primaire suite au manque de matériel et frais scolaires. J'ai 14 ans. J'ai abandonné l'école étant en 5e année primaire il y a un an suite au manque de matériel scolaire et de frais de scolarisation. Cette jeune fille manifeste sa forte volonté de retourner à l'école. Elle se joint avec d'autres élèves avec qui nous sommes entretenus pour demander aux bienfaiteurs de leur venir en aide car leurs parents ne peuvent pas les supporter seuls. Oui, je peux retourner à l'école ayant reçu le matériel scolaire et les frais. Nos parents n'ont pas d'autre choix. Ils nous laissent à la maison. Nous restons à la maison et nous attendons un cadeau venant de Dieu. Nous demandons aux bienfaiteurs de nous aider en payant ce frais de scolarisation et le matériel scolaire. Avis partagé avec leurs parents, ceux-ci affirment qu'ils sont incapables d'avoir et du matériel des frais, voyant la pauvreté que les hante. Ils se joignent à leurs enfants pour lancer un appel vibrant aux âmes charitables de leur venir en aide afin que leurs enfants puissent être scolarisés. C'est au moment où la rentrée scolaire de l'an 2021-2022 est prévue ce 6 septembre pour dire dans environ 3 semaines et 3 jours. Actualité internationale. À l'international, non loin de chez nous, une femme est morte la journée de ce mercredi, tuée par sa propre fille. C'est à Kabondozi, un village situé dans nos territoires d'office de la province du Sud et Kivu depuis au village Mbekimas, Luracha. Cette quadragénaire et résidente du village de Kabondozi a été grièvement blessée sur la tête. La victime a reçu des coups de la roue sur la tête lui donnée par sa fille. La pauvre victime est allée rendre l'âme au centre hospitalier de Mboko, où elle a été dépêchée selon la société civile du secteur de Tanganyika. Des suspicions liées à la sorcellerie seraient la cause de cet incident. Notre source précise qu'après avoir commis son forfait, la dite fille s'est vite volatilisée dans la nature. Cette information est confirmée par le chef de secteur de Tanganyika. John Mulondani condamne cet acte inhumain et fait aussi savoir que les services de l'ordre mènent des enquêtes déjà afin que la présumée auteure de ce meurtre soit arrêtée et jugée. Notez, une autre femme d'une septantaine d'années a été tuée par des bandits armés à l'aide de machettes dans sa maison la nuit de samedi 10 janvier 2021 à Mboko Centre. Jean-Bertrand Seloulacha, Ouvira pour RSF Bonesha FM. Merci Jean-Bertrand Seloulacha. 19h22. Nous voilà dans les dernières lignes de ce journal, mais avant que nous nous quittions, le rapide rappel des grands titres. La direction de rapatriement au Burundi s'inquiète de l'augmentation des cas positifs au Covid-19 ou des rapatriés en provenance de la République démocratique du Congo, vous l'avez entendu. Et également, les habitants de la zone Nyakabiga déplorent la façon dont les sociétés chargées de collecte des immondices accomplissent leur travail, vous l'avez également entendu. L'ONG locale Parsem salue le projet du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, constituant à la réduction des communes et provinces du pays. Dans la chronique sur les droits de l'enfant, nous avons parlé du manque de matériel scolaire et de frais de scolarisation à Rugadi, commune de la province Ubanza. Merci pour votre fidélité. Merci à tous et chacun pour sa collaboration. Merci à tous les Bizimana qui étaient de l'autre côté vitré. Le journal vous a été présenté par Willy Sindayebura. Bonne soirée à tous et bonne suite de programme.